Thank you.

Comment je pourrais faire pour remettre mes pistes? Ça marche. Ah, j'essaie de mettre deux pistes de canon. J'ai deux pistes avec le chant d'un côté et la basse de l'autre, s'il te plaît. Ah bah c'est mon chant en même temps. Bon, je m'accorde pendant le temps que tu me réponds. Merci. Ce qui fait qu'on peut muter ma piste de chant, c'est ça ? Si on a envie. Des fois ça peut être pratique quand je chante mal. C'est bon ? C'est pas trop fort ? Bon, je vais essayer de suivre, ça peut être facile. Si tu peux faire un truc facile. Moi. On peut mettre les accords sur Jam Taba. J'aime bien ce truc d'accord quand tu mets les accords, tu sais, avec Jam Taba, tu pourras me les mettre. C'est quoi la gueule? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? L'équalisation. Là, c'est tout à zéro, mon ampli. Là. Enfin, à zéro. Oh putain, il y a un pet sur ma base, dis donc, il y avait. Oui, comment on dit ? J'attends. Looking for lyric, no, looking for chords. Là, le son de la basse, c'est du brut de brut. Je suis à 12, moins 12. Je crois que Jam Taba ça traduit en plus. Parce que moi il y avait une fonction de traduction là. Ouais, il y a la traduction sur Jam Taba. essayer de voir si ça marche. Vous pouvez traduire dans le chat. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça marche bien. Votre c'est pas de traduire sur notre chat de Jantaba, notre tocanto de resto. Si. Il y avait un morceau qui s'appelait comme ça, attends. Tu connais ça? Ah merde, putain. Ah ouais, c'était Charade. Bon, bref, ouais, c'était une parenthèse, désolé. Moi j'écoutais ça quand j'étais gamin. suis nul en slap. Il y a un truc pour la slap sur l'ampli, c'est ça ? Faut appuyer sur ça pour l'ampli. C'est nul. C'est nul. Ah, par contre, quand tu mets deux pistes et que tu fais le looper, ça fait deux machins de looper. Il veut pas mettre les accords. Ces accords ne peuvent être utilisés dans cet intervalle 32. Ah oui, d'accord. J'essaye, hein. Je me perds un peu. Les accords, il a mis un message comme quoi ça passait pas en 32. ces accords de 6 mesures ne peuvent être utilisés dans cet intervalle BPI 32. Il veut pas. Il veut pas m'afficher les accords. Il veut pas m'afficher les accords. Y'a Jam Tabac qui m'indique un problème. Ces accords, ces mesures ne peuvent être utilisés dans cet intervalle BPI 32. Jam Tabac, il veut pas. Il ne veut pas. Fatigué de ma journée, c'est compliqué. J'ai pas envie de me battre avec l'ordinateur. J'ai passé l'heure de perdurer. C'est un bug, il y a un bug là. Et pourtant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il veut pas. Ça ne veut toujours pas m'enrichir le dragon. Les enlever ces trucs là. Attends, mais c'est peut-être que moi qui perturbe. Putain, j'arrive même pas à les enlever là. Mais bon, les oreilles, c'est quoi? Ouais. Ah, ça y est, ça marche? Ah, c'est bon. Ça marche. J'arrive pas à faire la fin, mais c'est joli. faut que je réécoute ce que tu fais. D'accord. Je croyais que j'arrivais, mais j'arrive pas.

Mr. May. Trompette. Bravo. Cuando verde no estás solo, es para una planta de tu aseguro. No chore, no vio, que voltare vio, mi corazón. Tu non seguro la la la la la la quando ho le terre ardendo quel foglierà nel saggio e pego te dos lo sei. Che ta mano tu risale e per con te addosso sei, perché ta mano ti risale. Che piacere, che forma la e per le planta sao, per falta d'acqua, per ti muigato.